éclat de rire qui m'a fait pleurer. Cet enfant souffrait, mais son cœur riait. Scénario un peu trop compliqué. Des idées étranges qui me concernaient, sans jamais personne pour les revendiquer. Scénario un peu trop compliqué. Ce clin d'œil furtif qui te délivrait, une photo couleur aux émotions gommées. Scénario un peu trop compliqué. Entre lumière et obscurité, sur un fil tendu, éclat d'obus m'était destiné. Est-ce réellement moi que la mort visait? Scénario un peu trop compliqué. Une histoire d'amour au cœur torturé. Deux ou trois tabous. Imaginez des choses.